Et puis que je repense, j'aurais jamais pu te causer. S'il fallait un jour que je t'efface, j'ai pris sur moi, j'ai osé. Et puis que je repense, j'aurais jamais pu te causer. S'il fallait un jour que je t'efface. Sans toi je suis perdu, je sors tard le soir. Et quand j'y repense, même dans les bras d'une autre, du mal à oublier son visage. Je sais, je suis têtu, que j'en demande beaucoup. Comment te dire, je suis paranoïaque. Elle est à la touche, je demande elle est où. Quand je l'ai vu, j'ai bloqué. C'est une pote qui me l'a présenté à l'époque. Elle était brune et s'est fait blonde. Elle avait tout ce qu'il fallait, les bonnes rondes. J'ai pris sur moi, j'ai osé. Et puis quand j'y repense, j'aurais jamais venu te causer. S'il fallait un jour que je t'efface. Drôle de caractère, on veut se trouver, on se perd. Je l'aimais, j'ai fini par terre. Mais j'ai ta nous guide vers l'enfer. Je voulais voir son père. J'avais même préparé la donne. Mais j'ai du mal à dépasser la borne. J'ai fini la dégâts, on ramène une autre. Ouais, quoi, ma santé, amène-moi la note. Et puis quand j'y repense, j'aurais jamais venu te causer. Fallait un jour que je t'efface. Je connais par cœur son corps. J'ai rêvé 100 fois son visage. Elle vaut de l'or et même j'ai réussi à faire sécher ses larmes. Je connais par cœur la douceur de ses formes. Parfois je les dessine encore. Elle fait partie de moi. Rappelle-toi, tu me disais, serre-moi dans tes bras, tu sais. La vie est dure sans toi. Et puis quand t'es pas là, je me sens mal. Tout ça c'est que du blablabla. Éloigne-toi de moi. Oublie-moi, déteste-moi. Vaut mieux se séparer, on se maîtrise pas. Là c'est la guerre, on s'énerve, on se trouve. Trop de caractère, on veut se trouver, on se perd. Je l'aimais, j'ai fini par terre. Mais j'ai ta nous guide vers l'enfer. Je voulais voir son père. J'avais même préparé la donne. Mais j'ai du mal à dépasser la borne. J'ai fini la dégâts, on ramène une autre. Ouais, quoi, ma santé, amène-moi la note. Et puis quand j'y repense, j'aurais jamais pu te causer. S'il fallait un jour que je t'efface. Ah baby, j'ai pas les lobes. Les millions de vues que j'ai sur internet, là j'aurais préféré les avoir dans le compte. J'ai galéré, demande à Y, elle dans les tours des Arbel. J'ai bien connu l'état des nôtres. Et l'ascenseur est bloqué. Parce qu'on a fait l'état des lieux. Drôle de caractère, on veut se trouver, on se perd. Je l'aimais, j'ai fini par terre. Mais j'ai ta nous guide vers l'enfer. Je voulais voir son cœur. J'avais même préparé la donne. Mais j'ai du mal à dépasser la borne. J'ai fini la dégâts, on ramène une autre. Ouais, quoi, ma santé, amène-moi la note. Et puis quand j'y repense, j'aurais jamais pu te causer. S'il fallait un jour que je t'efface.